Allô, Rita? Je suis celluloïde. Excuse-moi, moi je suis pas habitué dans ces hein. Ouais, c'est la nouvelle. Ouais. Hey, ma belle, j'ai passé aux douanes. Hein? Ben, c'est vrai qu'il n'y avait rien à voir, là, mais imagine-toi donc, là, que je suis dans le corridor! Ben oui, j'ai placé mes valises, là, je suis dans le corridor! Comment ça, si on n'est pas passé aux douanes en sortant du corridor, toi? Connais-tu ça, toi, les aéroports? Ouais, mais attends un petit peu, toi. Écoute-moi, ben, allez-moi les coups, là, merci! Non, c'est excitant, ça, pour l'oreille. On dirait ça titille. Plus ça titille, moi, plus ça me décourage. Mais ça, tu me dis, j'ai pas posé aux douanes, toi, là. Là, le monsieur m'a dit bonjour, bienvenue à l'aéroport. J'ai rien compris, voilà. Vois le français, je comprends pas ça, le français traditionnel, là. Hein? Ben, j'avais j'avais tout mon équipement radiophonique, là, que j'ai moi-même acheté pour la merveilleuse radio CKRL. Ben, en fait, pour moi avant, là, pour CKRL après, puis pour nos auditeurs et auditrices, pour qu'ils puissent nous capter, hein? J'ai passé aux douanes! Moi, ça, je l'ai pas passé aux douanes. Comment tu peux savoir ça, là? Hein, il me reste 3 minutes sur celluloïde. C'est le Louis, c'est Lula, n'importe quoi, il me reste 3 minutes, là. Bon, OK? Excite-moi pas, là. Ouais, tu crois que ça va se voir si je me lève les mains en l'air comme... ils savent pas si je chante « Oh les mains, là! Ah! » Ils s'en doutent que je suis en... ça peut être... C'est écrit dans mon... pas dans ma carte du ciel, toi, là. Hey, si les attends un peu, toi. Si je prends l'avion pis les extraterrestres me suivent, là, je vais rentrer dans la cabine du pilote, mais m'a dit au pilote, hey, atteignez-moi ça avec vos missiles. Hein? Y a pas de missiles à bord d'un avion. Hey! Voyons donc, dans tous les avions, tu vois ça à TV, là, la guerre de 14-18, là. Ben, ils ont des missiles, là, c'est juste à côté des moteurs. Il y a des motés qui sont là quand ils appellent les pilotes d'avion, là, des motés avec les tifs tout à fait bien coupés, là, un peu comme un militaire, là. C'est vrai, ça ressemble à un militaire, un pilote, hein? Les cheveux bien coupés, hein? Le petit, le capuchon, c'est pas un capuchon, c'est quoi? C'est un chapeau, mais c'est pas melon, hein? Hé, hey, monsieur, c'est loin d'être le melon. Peut-être en dessous, c'est un melon, sa tête, ça va, il vient se remplir d'eau aussi. Hey, j'ai passé aux douanes, comment ça, c'est pas... Comment tu peux savoir ça, là? Ouais, mes valises sont là. Il y a un corridor. Là, j'attends. Oui? Oui, mais je vois, deux agents de sécurité, oui, mais c'est en avant de moi, là. Il y a comme deux portes, là. Deux portes métalliques, puis les gens passent devant, là. Mais moi, je vais pas. C'est ça, les doigts. En avant, c'est écrit les doigts. Lâche-moi donc, la doigt. Ben, voyons donc, oui, je vais pas passer aux douanes. Ça a l'air inquiétant, hein? Monsieur, s'il vous plaît, restez en place, ne bougez plus. Ben, je ne. Allô, je peux-tu te rappeler à un moment donné? Je crois que monsieur de la douane est en aide. Il me dédouane. Je sais pas ce que j'ai rien d'inqualifiable à me présenter. C'est Rénal Gagné des. Attends un peu. Jean-Luc! J'ai amené Jean-Luc pour m'aider. Jean-Luc, sors des cartes de de mon émission Errance Rénaldine. Dis, c'est quoi, Eril? Voyons donc. Fais quelque chose, toi là, mon. Il faut errer, puis il parle à sa femme. Je t'aime. Hey, là, au chat, l'amour, là. C'est pas le temps de l'amour, c'est le temps de me sortir du pétrin. Regarde le gars des doigts, qu'est-ce qu'il m'a dit, là. Puis si. Monsieur, s'il vous plaît. Oui. Restez en place, ne bougez plus. Ben là, on bouge plus. Comment tu veux que je bouge? Toi là, tu veux me passer les manettes, hein? J'ai rien fait non coupable, moi, là. Je parlerai pas sans la présence de ma vodka. C'est une russe, moi, là. Mon avocate, c'est une russe. Mon avocat, c'est un russe. Tout est russe chez nous. Moi, c'est soviétique russe, moi. Moi, je chantais l'hymne national Russie, là. Attends un petit peu, c'est Jean du Volio, c'est... La... Non, c'est pas ça, c'est Jean du Goyen, ouais, c'est fidèle, salimé, sauvé, c'est pas ça. Ouais, monsieur, là, hey, regardez-moi, ai-je l'air d'un innocent? Attendez, je vais demander à mon compatriote. À qui? Mon compatriote. Oh, à votre collègue. Collègue compatriote. Hey, y a-tu l'air d'un innocent? Hey, plus cave que ça, mon petit chat. Plus imbécile que ça. Vous êtes un imbécile. Oui. Excusez-moi, j'ai pris la première place. Ben oui, reculez-vous. C'est l'animateur qui se met devant le micro. C'est pas vous autres, les vedettes. Hey, ça, c'est... Hein? C'est parler, ça, mon tiki, hein? Ah, ouais, moi, je suis pas gêné. Quand les gens veulent prendre la devant, là, c'est qui, ce monde-là, là? C'est les gens de la douane. Comment? Les gens de la douane. Les gens de la douane? Les gens de la douane! Les gens de la douane! Hey, bonjour, monsieur, c'est moi-même. Tiki Baudouin pour te laver. Hey, vous êtes mes... Vous avez jamais joué dans un film hollywoodien, toi? Hey, arrête de le faire le têteux, toi. Hey, non, mais je vous ai déjà vu avec... comment ça s'appelle, là? L'unicellulaire, là? Comment il s'appelle? Non, pas Johnny, non, c'est Arnold Schwarzenegger. Eh? Estelle Schwarzenegger. Non, on dirait que ça swing dans Schwarzenegger. Hein, ça swing là-dedans. Ah, oh, hey, quand tu dis, lâche ton flingue, mec! Non, mais c'est bon. Monsieur, s'il vous plaît, oui. Restez en place, ne bougez plus. Oui. Bon. Rita! Peux-tu appeler Rita? Rita! Et qu'est-ce qu'elle m'a mis dans mes valises? Non, mais c'est monsieur la douane. J'ai dit, tu te sanouches au creton. Elle a peut-être mis de la moutarde de Dijon, là, mais je sais qu'on n'est même pas parti pour la France, là. On n'est même pas dans Partouze. On avait appelé 3 personnes pour faire une Partouze. Il n'y a pas de personne pour la Partouze. À parler. Comment ça, c'est pas légal, les Partouzes? Quand c'est devant des animaux qu'on s'entend, là, c'est la partouze, c'est tout à fait légal, moi, là, là. Hey, quand j'ai ma perruche, là, ben, je l'appelle ma perruche, hein, c'est Marita, ça. Elle monte tout le temps sur son... j'ai fait un petit perchoir, là, puis... Elle mange des... Hein? Hey, je te lis! Qu'est-ce qui se passe, là? Comment vous appelez-vous? Je pense qu'on se met dans le chenoute, là. Il y a la petite madame en avant qui m'a... Comment vous appelez-vous? Hey, monsieur. On peut-tu arrêter ça, là, Limi? Peux-tu passer le générique, c'est sans main, hein? Je me souviens plus de votre question, madame. Comment vous appelez-vous? Ah, mais comment je m'appelle? Je m'appelle. Ma mère, en 1977, elle a dit: oh, nous avons mis au monde un chérubin, une espèce d'empotant, un unicelle, quelque chose qui fera pas grand. Alors, ça va être nul dans la vie. Comment vous appelez-vous? Arrête, c'est pas le temps de rire. Ris pas, toi. Voyons donc, comment tu m'as appelé, toi, là? Rénal Gagné. Oh! C'est pas gagnant. Non, c'est loin d'être gagnant, Rénal Gagné. Ah, oh, c'est... j'aurais voulu changer de nom, moi. J'aurais voulu changer de nom. Il n'y a pas de caracol. Pour tous les jours, changer de peau. Et pour pouvoir me trouver beau, exagère pas, tu le seras jamais. Quoi, beau, Rénal, dans toutes les gens sans couleur. Comment vous appelez-vous? Arène, toi, là! M'en nommé. Tu peux m'en rappeler, là? C'est l'énervement. Moi, devant 3 personnes et plus, là, je t'ai habitué à faire de la radio tout seul dans ma Camaro, je t'emmènerai sur les chantiers d'été. Dans ma Camaro, je t'emmènerai à San Francisco, hein? Ah, je connais pas Luc Plamondon, moi, là. Hey, s'il a amené du stock, moi, je connais pas Luc... Stéphie Stock? Ah, je connais pas ça, moi. Hey, tous les artistes, je connais aucun artiste qui... Ah, je suis pas dans ce monde-là, moi. Hey, monsieur, le monde je sais pas ça, mais je vous dis, monsieur, madame, qu'on me mord une joue. Comment vous appelez-vous? Arène, hey, monsieur, arrête-toi, là. Tu m'énerves, là. Hey, je sais pas d'où dire ça, madame. C'est pas à vous que je disais ça, c'est à ma concubine invisible.

on nous donne des haut-parleurs qui rejoignent des milliers, des millions de personnes. C'est une chance et un privilège que d'autres n'ont pas. Il faut que les chevaux sauvages de l'inspiration puissent tout détruire. Tout détruire ce qu'on sait, toute sa culture classique, il faut que ça détruise tout, puis que l'imagination, cette folle du logis, puisse jouer sa partie. S'il n'y avait pas le rire pour nous aider à supporter cette redoutable vie, je ne sais pas comment on ferait. C'est de la survie, le rire. La musique. Et les amis. Et rigoler. Quand on peut, il faut rigoler. Faut rire. Je vous embrasse. Faut rire de tout ce qui est insupportable pour prendre de la distance. Tout le monde l'a vu. Vous savez, les gens qui n'ont pas d'humour sont des gens qui ont des vies terrifiantes. Vous verrez mon corps actuel voler en éclats et se ramasser sous 10 000 aspects notoires. Un corps neuf. Où vous ne pourrez plus jamais m'oublier. En tonnerre. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Monsieur le Président. Faudrait que je baisse un petit peu, hein, non? Ouais. Messieurs les potes, non, je parlais de mon son, là. Ah, je pense que allons nous faire un petit montage. Puis-je vérifier ici? Ah non, tu parles d'une intelligence incroyable, là. Oh, si je baisse ça comme ça, si je monte ça, ouais. OK, on laisse ça... c'est merveilleux. Oui, c'est merveilleux. À du jouer. Amen! Tout replace ça! Le curseur fonctionne ici en haut. La carte, oui, elle monte un petit peu. On monte un petit peu. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. On fait ça en direct. Ça, les gens ne le savent même pas. Ils n'entendent pas. Ils ne savent pas ce qui se passe. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. À du jouer! 1, 2, 3. Madame Tremblay. Bougez pas vos cartes. C'est bingo! Comment vous appelez-vous? Monsieur le Président. Monsieur les pas trop catholiques et cathodiques, mesdames les voluptés, et vous, chers résidents et résidentes impudiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone Errance Rénaldienne. Bienvenue à la douce rénalité et à l'histoire finement improvisée avec moi-même à Errance Rénaldienne. Tu te répètes, hein? Les gens s'en rendent pas compte. Donc, acteur, je sais pas, parce que c'est quand même... Une ordure. Non, c'est une vraie ordure. Voyons, Gérard. Ça veut dire comme toi. Hein? Monsieur Depardieu, vous êtes bien beau être un Gérard merveilleux, un être venu d'une autre intelligence, mais là, me traiter comme vous le faites, ça me rend un peu chagrin. Je ne sais pas si j'en courrai à un avocat, surtout le mien, j'en ai un privé, attention, ça va faire mal. Surtout que ça me coûte rien. Il me dit pour toi, mon Rénal, mon frère n'importe quoi. Fait que pour Gérard Lebardieu, on va ça. Acteur, je sais pas, parce que c'est quand même une ordure. Non, c'est une vraie ordure. Ça veut dire comme toi. Alors, devant tout le peuple francophone, Gérard Lebardieu mettrait l'ordure. Écoute, Gérard, on peut s'entendre hors cours, là. Tu me donnes deux caisses de ton bon vin et on hein? Alors, Gérard, c'est pas ça que... Je suis pas en train de marchander, là, une amitié, là. Là, il me traite d'ordure devant tout le peuple québécois francophone. Toute la francophonie m'entend. Tous les citoyens et le peuple qui maîtrise la langue de mon... Moi, je m'en vais lui dire en direct, Gérard Depardieu, je t'aime. À quoi bon faire cette émission si on ne se rend... Les gens ont eu peur, hein? Hey, Mme Tremblay qui a arrêté de tourner sa sauce à spaghetti en disant, il va le dire. Il se met dans des situations des fois très, très compromettantes. C'est une émission compromettante. Il va se compromettre. Ben oui, c'est sûr que si c'est compromettant, ça, on se compromet. Hein? S'il vous plaît, oui. Restez en place, ne bougez plus. Pas de problème. Jusqu'à 2h du matin, on reste en place, on ne bouge pas. On est ici, on est même collé. On m'a vissé sur le plancher, la chaise. Et de la chaise, on m'a mis une belle gomme. une gomme de colle sur le tissu sur lequel mon fessier est disposé. Donc, c'est une chaleur qui me vient du Toulouse de Pète et qui envahit tout mon corps et ces effluves odoramas radiophoniques. Je sais pas si... Placez-vous devant votre radio, madame. Ben voyons donc. Tu me prends-tu pour une... Non, non, non, mais avancez-vous. Je peux pas m'avancer. J'étais à 3 cm de la chaîne. De la chaîne? De la chaîne radiophonique. Pourquoi? Je peux pas mettre ça trop fort. Oh. Il est presque 1h20 du matin. Oui. J'ai des voisins. Vos voisins? Mes voisins entendent. Entendent quoi? Tout ce qui bouge pas, tout ce qui n'est pas sonore. Vos voisins entendent tout ce qui n'est pas sonore? Ouais. Êtes-vous certaine? Très certaine. Même hier, je leur ai demandé. Vous leur avez demandé quoi? Entendez-vous rien? Vous entendez rien? Ils m'ont dit, oh non. Entendez-vous quelque chose, là? Non, non. Là, maintenant? Non, non, non. Vous entendez rien? Non, non, non. Entendez-vous rire? Oh, ben là, il rentre la dîme de vendredi. Ça, c'est incroyable. Entendez-vous? Oh, je l'entends. Si je l'entends encore, j'appelle la police, OK? Moi, il y a des imbéciles de même, là, qui s'élancent dans des improvisations extravagantes. On sait pas ce qu'il peut faire. On est le 8 juillet, il fait chaud. Puis lui, il est même pas à Québec actuellement. Il est à Paris. Demain, il s'en va à Québec. Il revient à Québec. Il a fait ses entrevues, là, présentement, là. Il est quelle heure? Il est minuit, 6 heures en France, 6 heures en France. Qu'est-ce qu'il fait, tu crois, 6 heures en France, là? Il dort. Tu crois qu'il dort? Là, actuellement, vendredi, 6 heures du matin, il dort pas. Qu'est-ce qu'il fait? Ben, il dort pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il dort pas. Ben, il dort pas. Mais s'il dort pas, qu'est-ce qu'il fait? Je peux pas en parler. Bon, OK, mais s'il fait ce que vous croyez, ben c'est ça, on peut pas en parler. Mais si on peut pas en parler, pourquoi vous en parlez? Ben non, je peux vous dire qu'il dort pas. OK, il dort pas. Puis est-ce que ça s'est bien passé? Ah, ça s'est très bien passé. Moi, je suis son... Weapons Turner. Hein, Turner? Oui, je suis son Turner. Turner. Tina Turner. Elle tourne elle aussi. Elle tourne toujours Tina Turner. Hey, ce serait bon d'écouter une bonne chanson de Tina Turner, là, hein? Hein, dans une radio communautaire, Tina Turner, ça joue pas souvent. T'sais, non, mais à partir de 1984, l'album Private Dancer. Private Dancer, I feel it. Es-tu malade, là? Ça sent bien de Paris, là. T'as-tu débouché, toi, là? Non, je suis pas bouché. T'es-tu débouché? Non, j'ai pas encore débouché, mais j'en ramène 4. Oh, 4 bouteilles de vin! Hey, c'est pour ça que si je passe aux douanes, moi, là, ils vont m'arrêter. Faire la prison. Bon, mais je vais être Qu'est-ce qui se passe? Ah, mais je vais rencontrer des gens que je veux pas rencontrer. Des artistes qui sont tous en prison parce qu'ils ont pas payé leurs droits d'auteur. Ils ont pas payé leur... comment t'appelles ça? Leur impôt! Florent Magny! Oh! Quelle manie pour lui de ne pas payer. C'est une grosse manie. Il a fait de la prison, puis aujourd'hui, pour oublier, il fume du cannabis. Oh! Il fume du cannabis, mesdames et messieurs. Florent Magny, le chanteur Florent Magny... C'est impardonnable. Ça le montre à nos jeunes à la radio. Je l'ai entendu sur France Inter il y a 2 ans qui disait « Ah, fumez du cannabis. T'es-tu malade, toi, là? Va te coucher, mon petit champion. T'as besoin de repos. Puis si t'as pas besoin de repos, on va t'envoyer dans une maison de repos. On va t'endormir. On va t'en donner des pellets. Tu vas lâcher le cannabis. » Hey, faut-tu lui dire? Hey, c'est l'exemple qu'il donne aux jeunes, lui, là. Quand fumer du cannabis, c'est une belle idée, ça, là. Une idée de perdu dans l'espace. Mais c'est ça, lui, tiens, lâche-moi ça. Gérard Depardieu, lui, il connaît ça, lui. Lui, il sait ce qu'il faut faire, mon Gérard. Donc, acteur, c'est pas parce que c'est quand même une ordure. Okay. Non, c'est une vraie ordure. Okay. Ça veut dire comme toi. Okay, deux, trois, okay. Là, arrête de le dire parce que là, t'es rendu à 4 caisses de vin. Tu mets dessus, je sais pas, je rends de perdu, ça va passer aux douanes. Moi, mes 4 bouteilles de vin, ça passera pas. Je vais aller en prison. Moi, aller voir Florent Magny. Moi, dis-moi, Florent Magny. Là, il va dire, ça, surtout de terre, de terre, de partie. Parce qu'il a repris ces chansons-là. Ça, surtout de terre, de terre, de Eh, monsieur. Les gens qui savent pas ce que je veux dire, là. Est-ce qu'on peut faire jouer cette chanson de Florent Magny? Pleure, mais non. À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule, librement inspiré d'une citation de Virginia Woolf? Non, mais L'absurde aventure de l'avancée canadienne s'ouvre à l'instant. Nous marcherons ensemble, nous défricherons les chemins narratifs et voici le pit qui change les chapitres et tu vas te tenir à l'engager et à gagner. On comprend rien. On dit vraiment amen. Amen. Toi qui comprends, amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Hey, monsieur. Oh, adieu donc. Il y a du micro dans l'air. Il y a du micro dans l'herbe. Pas dans l'herbe. Dans l'herbe. Non, pas de micro. Non, pas dans l'herbe. Hey, mon Floramani sort de ce corps. Ce soir. Il y a donc, je suis dans un mal. L'incantation du diable par la Jérue Madeleine. Madeleine, Tinbad, si j'ai pas de laine, t'as du chip caroté et tant, si j'ai pas frisé. C'était au mois d'octobre à Saint-Joseph d'Alma. Malgré que ma vie est sobre, devait se finir là. Et paix à Dieu ma mère, adieu tous mes parents. Voilà que je vous quitte aujourd'hui pour longtemps. Écoute mon histoire, jeune homme y a voyagé. J'ai toujours dans mémoire d'avoir l'éternité. La mort peut apparaître sans que vous l'attendiez. Avec sa main de traître, elle pourrait vous frapper. Quand on revient de vie, on est plus grand, plus fort. Et alors on se rit d'avoir eu peur de la mort. L'espoir vient de renaître, à nous de le conserver. Repousser les faux traîtres, voilà l'éternité. Repousser les faux maîtres, voilà la liberté. Ça, tous ces gens qui passent sur ces cubes. Non, c'est comme... parce que t'es filmé, t'es comme ça. J'aurais pu être bien. J'aurais pu être très très bien. Non, je te dis la vérité. Je suis une vraie ordure. Voilà. Bon, bah, donc, après, démerde-toi. L'absurde aventure de l'errance rénaldienne s'ouvre à l'instant. Nous marcherons ensemble, nous défricherons les chemins narratifs et voici le pitre qui change les chapitres diégétiques, votre itinérant langagier rénal de gang. Et aujourd'hui, le vendredi 8 juillet, ma dernière journée à Paris. À Paris, c'est, oh, tout le monde le sait que t'es parti là-bas. Arrête, il y en a qui sont cloués dans leur 2,5, là, qui attendent leur chèque. Donc, ils ont eu leur chèque il y a 8 jours. Ils ont eu leur chèque. Les bouteilles jonchent le sol et ils s'ennuient. Je me sens très seul sans toi. Aujourd'hui, le vendredi 8 juillet 2011, l'errance, les errances rénadiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons cela. Hein, un extraterrestre. Hey, bonjour, extraterrestre. Comment ça va? Pouvez-vous parler au peuple qui croit pas aux extraterrestres? Croyez-vous, mon frère extraterrestre, que ces individus qui réfléchissent encore, mais qui réfléchissent, qui tentent, mais qui tentent même pas, qui aimeraient bien réfléchir sur le cas extraterrestre, et qui se fout de la gueule de tous les extraterrestres, croyez-vous que les extraterrestres, c'est des bonnes questions, hein? Croyez-vous? C'est trop clair. Moi, je pense que la vague qu'on va lancer le long des gaufres, trop clair. Laissons sur la chaussée. Reste parmi nous, s'il vous plaît. Reste ici. On va te parler tout à l'heure, si tu veux bien rester. Ne t'élève pas, puis fais surtout parce que j'ai des murs de 3 pieds, moi, là. 3 pieds par 1 pied, hein? Si t'es claustrophobe, c'est phonographe. Le phonographe du pornographe, le polisson de la tonton. Oh, oh là, hein, c'est de la chanson paillarde, là. La chanson paillarde comme on l'aime. Alors donc, laissons sur la chaussée, puis laissons la place à Didier Ouvrard, qui cumule 30 ans d'une carrière dont il ne nie en rien l'existence. Défenseur de la chanson francophone et de l'accordéon, Didier Ouvrard fait ses armes sur scène, sans armes, bien sûr. Son couteau, son fusil, sans nulle autre arme que ses mots et sa bouche, et surtout son humour tranchant. Ça, c'est tranchant. Regardez, Didier Ouvrard. Hein? Défenseur de la chanson, tu l'as dit. Il rencontre Pascal Sévran, qui l'appelle à ses côtés sur France 2 en 91, où il programmera successivement la chance aux chansons. La chance, la chanson, la chance a raison d'aimer sa musique. Oui, oui, place à l'émotion, place aux mots, place au lyrisme rénaldien et surtout place à la zizique. La chance aux chansons. Hey, ça, c'est Charles Trenet qui a trouvé la mer. You can hit hands, hit hands. Beat the shit out of anything you can understand. I know my soul mask if I'm scared of the boys. Oh, my soul is security, my soul is security, my soul is security. You can't stand yourself. Got a bitch in me, what would you say to my face? My face, it's so easy to mop off to others. Where's your proof? No proof. Maybe we can talk if you can stop your act. Macho insecurity, macho insecurity, macho insecurity. You can't stand yourself. Why do you want people to be so afraid of you? Why are you so scared of anything that's different? No one's ever there when you need it. You wonder why? It's 'cause you take yourself so seriously. But being such a clown gives the rest of us the right to lie. Macho, macho insecurity, macho insecurity. You can't stand your macho insecurity. Macho insecurity, macho insecurity. You can't stand yourself. Comme tout le monde, mes parents ne voulaient pas que je fasse ça. J'ai donc appris un métier. Je suis imprimeur. Mais j'ai appris mon métier. Je compostais. Je travaillais à l'ancienne. J'ai mon CAP d'imprimeur. Je ne me suis jamais servi. À peine l'avais-je eu mon CAP que on était en 81, François Mitterrand passe, c'est président est élu président de la République française et libérait les ondes FM. Libérait les ondes FM. Avant, les ondes FM étaient, c'était pas des radios libres en France. C'était par qui? C'était retenu par l'État. Okay. Il y avait, on ne pouvait émettre que depuis des bateaux qui émettaient entre la France et l'Angleterre, parce qu'il fallait pas dans des eaux frontalières. Enfin bref. Donc, libère les ondes FM. Là, se crée une radio qui s'appelle Alouette. Ah, mais je l'ai vu sur internet. Oui, elle existe. Oui, oui, on peut même écouter un direct. Oui. J'étais 10 ans animateur là-dedans. Ah, j'ai fait les matinales, je le 24 heures, j'étais à l'antenne à 6 heures. Mais professionnel, c'est un médecin, tu en vivais. J'avais fait, oui, j'en ai, bien sûr, tout de suite. D'abord, ils m'ont pris, ils m'ont testé un peu, et puis, de toute façon, il a voulu que ça marche. Hein. Puis j'avais une telle envie, puis j'avais une tchatch, quoi, que t'as remarqué, bon, hein. Et j'avais 20 ans. J'avais que 20 ans, j'avais toute l'envie. La faute. Alors ils m'ont dit, est-ce que tu sais aussi faire de la scène? Je sais pas. Elle prend un micro et va animer la foire à la sardine. Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Et je suis animé la foire à la sardine. Et puis, ils m'ont dit, bon, ben, bons échos. Alors demain, tu vas peut-être pouvoir faire un peu l'antenne. Hein, tu vas pousser un peu les disques. Puis après demain, tu diras bonjour. Ben, après demain, tu diras l'heure. Et puis voilà, que j'ai jamais fait. Jusqu'en 90. En 92, ils ont voulu changer de format. J'ai compris que je n'appartenais pas au format qui allait se renouveler, qui était plus musical, moins interactif, en tout cas moins. Mais toi, tu n'étais pas encore dans la musique, là. Ah non, mais parce que je n'avais toujours pas pu y être. Okay. J'avais décidé de ne plus y être. Ok, tu étais à la radio, tu lisais l'information, la météo. Okay. J'avais décidé de vivre de la musique, par la musique, ou par tous les canaux, mais sans. Voilà. En fait, la servir sans la desservir. Okay. Non, oui, c'est bien. we've all been killing each other for 2,000 years. But we're here now to protect our family. A Christian parent warlord, more friendly to the West. So you knock off this fighting, or we'll tell them. Ever notice who this day? Like TV wrestling shows, with ratings and kadamis, that's the top of those and heroes. Full of wildlife documentaries, where an eye is from the zoo. So skin tied down a pedal car, at the perfect camera angle. Magnetic spark and time for Disney, they're hurled off the cliff. Et surtout ne te reviens. fête, mes charmés d'amour et de paupiètes. Pourtant je connais à Barcelone un hidalgo qui chante à sa bonne. Tous les jours à l'heure du dîner, ce chant d'amour vient gratter. Lui est un poète. Lui est un homme de l'art. Voilà, voilà. Bon, ben, j'aime. Voilà, voilà. Mais Gérard, on n'a pas compris. Lui est un poète. Lui est un homme de l'art. Voilà, voilà. Bon, ben, j'aime l'art. Le reste, ça, Festival de Cannes, les présidents, les machins, ordure. Ouais. Hors de moi cette idée d'ordurier, moi qui n'en suis qu'à mes prémices, ici, là, ici, maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Bukowski, dit-il en claquant de sa... C'est quoi, c'est pas une camisole? Oui, ta camisole de force? Non, c'est pas ma braguette, c'est... Jean-Luc, comment t'appelles ça? Oui, je définirais ça là, comme des... blanc de mémoire. Comme des blancs de mémoire. Oh mon Dieu, on aime ça, les blancs de mémoire. Non, c'est... monsieur, oui! Moi, la radio, quand c'est écrit en direct, je perds tous mes moyens intellectuels. Ça, on le sait, ça, on le sait. Des enfants jouer dans la prairie. Voyons, pas des ceintures, là. Ce qui aide, c'est des échasses. C'est des échasses, monsieur. Là, ici, maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. L'intelligence va me venir à un moment donné. Ouvrons-lui un petit coin de bar. Laissons-le nous suggérer une improvisation à partir de la première phrase d'une de ses nouvelles, extrait de son recueil « Contes et nouvelles ». Tu parles trop vite. OK, bref, cessons les traductions et entrons dans l'antre de l'oncle Buck. En quelques mots, je vais vous raconter ce qui va se passer pendant quelques minutes, là. Je pige au hasard une première phrase de Bukowski, qui est un auteur états-unien-américain, anglais. Ben oui, chacun ses problèmes. Je cherche encore comment j'appelle ça, ce que j'ai ici. Des bretelles! J'ai des bretelles! J'ai des bretelles de veau, de veau. De vos enfants jouer dans la prairie, chantez, chantez, sentez, sentez, sentez, et monsieur, sentez à vous, sentez le doux parfum des fleurs, demain peut-être vous verserez des pleurs, derniers amours de ma jeunesse. Tu la chantes souvent, je l'aime, les amours, c'est de la répétition. Petits enfants, mais c'est jamais passé, c'est jamais calé à la même place. Puis là-bas, je suis allé voir, il va nous le raconter, jusqu'à une vitam paparman. Oui, jusqu'à une vitam paparman! Je suis allé voir Jamel Debbouze au Casino de Paris. Ah, c'était merveilleux. Voyons donc, je ne l'avais pas encore vu, c'est vrai. J'enregistre mon émission le 23 juin 2011. C'est la veille de la fête des colonisés. C'est les gens qui... La fête des Québécois, là. C'est pas mieux le 14 juillet, c'est des militaires. Au Québec, c'est la bière, la boisson. Là-bas, c'est militaire. Ah, c'est... Chacun ses gros problèmes techniques, là. On est des couillons. On aime ça d'être des couillons, hein? Hey, on se dresse devant les chars d'assaut, puis ici, on se dresse devant une bouteille de bière. Ah, c'est ça. On y va, OK. Puis là, c'est les pompiers, là. Les pompiers, ah, c'est avec leur jet d'eau. Ah! Bon, OK, la première phrase, c'est Vichy. Non, c'est pas Vichy. Lâche la France. Vichy, Vichy, Schlechtine. Ça, c'est une belle vache, là. La Schlechtine, là. Ah! Hey, avec six pis, là, ça fait six pis. Non, t'es tipi. Toi, t'es tipi. Moi, je suis très typique, mais c'est sipi. Non, c'est pas des pis. Oui, mais ça, c'est... Elle est composée sur son ventre de sipi. Sipi. Un pi, deux pi, trois pi, quatre pi, cinq pi, sipi. Oh, sipi. Sipi, ça. Ben, sipi, que c'est très bien, ça. Ça donne beaucoup de lait. Donc, on tire juste une fois. Pff, les sipi se mettent à gicler. Ben, ouais, à droite, à gauche. Tu sors de là, là. Ah, ma semence, là. En fait, c'est la semence de la vache et bien. Alors donc, les gens ne connaissent rien dans l'univers des vaches. Saviez-vous que Fabienne Thibault fait des chansons pour les vaches? Errance canadienne vous en témoignera la vérité dans quelques semaines. Là. Je ferai quelque chose de spécial au lieu que ce soit Gérard qui nous dise que nous sommes tous des gens. Lui est un poète. Oui. Lui est un homme de l'art. Voilà, lui est qu'un homme. Bon, ben, j'aime l'art. Oui. Le reste, ça, Festival de Cannes, les présidents, les machins, ordure. Toi, tu n'es qu'un homme, rien qu'un homme, et je mène ma vie. Non, c'est je ne suis qu'un homme, rien qu'un homme, j'aime ma vie et je la défends. Elle le sait bien, cette poltronne qui rêve toujours et toujours autant. Mais qu'on me pardonne, c'est bon, les. C'est de qui? C'est de Didier Super. Que me pardonne, et je m'avais dit, et je m'en défends. Vicky, Vicky, Vicky, Vicky, viens. Viking, Viking, c'est non. Viking, Viking, c'est Renan. Viking, c'est pas l'écureuil, c'est Vicky. Vicky était une fille correcte, très correcte. Hein, Vicky, gentil, viens ici. Voilà. Vicky était une fille correcte, très correcte. Viens ici. Vicky, allô, c'est Renan. Ça va bien? Voilà. Vicky, ah ouais, on sait que c'est une fille correcte, là. Bon, couche-toi. Tu t'es réveillé? Oui. Oui. Oh, j'ai dormi combien de temps, là? 5 secondes. Oh, ça fait du bien, hein? Ah, oh, on recommence en santé, là. Vicky, tu es une fille correcte, mais on avait nos problèmes. Ben oui, quand tu restes avec Vicky, t'as toujours tes problèmes. Elle a ses problèmes, puis toi, t'as ses problèmes. Parce que, normalement, à l'origine... Toi, t'en as jamais eu de problème. Là, tu rencontres Vicky, là, t'en as des problèmes. Ah, oh, c'est... Ouais. La fille a problème. Oh! Plus de problèmes que ça, elle s'appelle pas Vicky. Elle s'appelle Viens ici. Viens ici, viens ici, y'en a pas de problème ici. Viens ici, viens ici. Si t'en vois, c'est pas moi. T'es-tu sûr, mon amour? Très sûr. Moi, je suis certaine. Certaines? Très certaines. Certaines d'un à 10? 12! 12 sur 10, 15! 15 sur 10, 20! 20 sur... On peut faire ça pendant 2 ans, là! Fais-moi confiance! Oh là là, la phrase! Fais-moi confiance! On fait confiance à mademoiselle qui n'est pas Vicky. Oh! Alors, on fait confiance. On vend nos meubles, notre frigo, notre voiture. Notre ancienne femme, on l'a vend. Ouf, comment ça vaut, ça, mon ancienne femme? Oh, bon, ça vaut plus cher, ça, là. Non, c'est poussière. Poussière, ah oui, c'est ça. C'est quoi? C'est... Ben, c'est parce qu'on l'a incinéré. Hein. OK, elle est poussière, elle est retournée en poussière. Comment ça vaut? Ça... Était-elle artiste? Était-elle pas artiste? Était-elle écrivaine? Était-elle pas écrivaine? Était-elle notaire? Était-elle pas notaire? Était-elle qui? Était-elle personne? Oh, était-elle personne. Bon, ben, ça vaut pas grand-chose. Oh! C'était quand même mon ancienne épouse. Oui, mais elle ne l'est plus. Ça, c'est vrai. Faut pas être, comme disait Gilbert Bécaud, dans un passé dépassé. Je suis dans un passé dépassé, moi. Non, non, non, c'est vrai, faut pas. Alors, je dois me débarrasser même de ces cendres. Ben, faut mets ça dans tes bouts, personne va le savoir. Là, ta nouvelle, elle ira pas voir jusque dans tes bouts. Oh, au début, elle explore partout, même dans les bas. Ouais, mais je sais que dans la vie, il y a des hauts et des bas, mais... Les hauts, des bas, c'est Gérard. Juste après la guerre, j'avais créé à Cannes la boîte à ordures. Oh, la boîte à ordures. Mais ce ne sera pas dans la boîte à ordures que je vais mettre ces cendres, mon petit monsieur. Mais excusez-moi, ça ne vous dérange pas que je vous appelle mon petit monsieur? Je ne vous connais pas. Hein? Puis, juste après la guerre, j'avais créé à Cannes la boîte à ordures. OK. Alors, donc, on va placer ça dans mes bas. Mais dans les bas, on ne placera pas ça dans la boîte à ordures, mon cher petit monsieur, vieux petit monsieur, vieux, très vieux petit monsieur, monsieur qui déclenche et qui tombe par terre. Monsieur, dans la marche, oui. Bon, alors, on va laisser ça comme ça. On aime ça, non, mais moi, je trouve ça très sympathique. Vous êtes, oui. Trempez votre dentille dans mon verre, il n'y a aucun problème. Vous allez aimer ça, c'est de la crème de menthe. Quand vous allez vous mettre ça dans la bouche, je vais m'entoler. Ça va vous souffler. Hein? C'est verte, la crème de menthe verte. La blanche, j'aime pas ça. Oh, moi, parce que c'est déjà, ça accroche l'œil. Hein? Quand c'est de la verte, on dirait que... Quand c'est de la blanche, c'est... Hein, vert, blanc, vert, blanc. C'est comme un extraterrestre. Il est vert, là, ça fait... Il est blanc, c'est... Donc, je préfère... Quoique, quand il change de couleur, ça veut dire qu'il est très, très dangereux. Ici, là, hein, sur la Terre, quand quelqu'un devient rouge, il est colérique. Un extraterrestre, quand il devient blanc, il est colérique. C'est quand même un autre lexique, un autre vocabulaire que vous pouvez pas connaître. Vous n'êtes que des simples pêcheurs. Ce soir, en ce 8 juillet 2011, vous avez pêché. Avons péché. Ce soir, Mando, pas encore. Vous qui cherchez sans trouver, vous venez de pécher. Nous venons de pécher. Ce soir, Mando, là, ce soir, derrière le corridor, il fait noir. Que faites-vous? Nous allons pécher. Vous allez pécher. Ce soir, Mando, dans tous les tiroirs du vice, vous ne trouvez point le tournevis. Et vous utilisez le marteau. Vous allez pêcher. Nous avons cassé. Ce soir. Amen. Alors, c'est ça. Oh, attends, madame. Attends, madame. Monsieur, pouvez-vous attendre, vous aussi? Juste après la guerre. Monsieur, pouvez-vous après la guerre? La guerre est passée. Là. N'ayez pas peur. Cachez-vous pas sous la table. Restez devant ma petite bouteille, mon petit verre de... La crème de menthe verte. Et pour placer le dentier, vous allez voir, c'est bon, c'est humer le tout. Ça sent bon, ça sent la menthe, pas la menthe, là, celle qui trompe les autres, là, mais la menthe venue de la mentholine. Le pays de la mentholine fabrique de la belle menthe. Ben voyons donc, j'ai jamais entendu ça, la mentholine. Ben voyons donc, c'est entre Longueuil au Québec, hein, puis Villemar. Voyons, Longueuil, Villemar. Ben c'est là où on cueille la menthe. Partout sur la planète, la menthe vient de là, du Québec. Pas loin de Villemar. Ben voyons donc. Je pense que je me fais avoir. Ben, si je me fais avoir, si vous faites avoir, si on se fait, on se fait pas avoir, parce que le titre de la nouvelle de Charles Butkowski, c'est « Trois poulets », mon cher monsieur. « Trois poulets, laitue, mayonnaise, bien tranquille. » Juste après la guerre. Monsieur, c'est trois poulets, deux mayonnaise, pas trop, puis un fusil. Juste après la guerre, j'avais créé à Cannes la boîte à ordures, avec l'élection de Miss Poubelle. Miss Poubelle. Juste après la guerre, j'avais créé à Cannes la boîte à ordures avec l'élection de Miss Poubelle. Alors vous voyez que l'ordure, ça me connaît. C'est Miss Poubelle. Allez, on devrait faire Miss Poubelle 2011. Donnez votre nom. Envoyez un courriel, madame, excusez-moi. Envoyez votre courriel à renalquebec@commercial.com. renalquebec@commercial.com, mademoiselle ou monsieur. Si vous êtes un monsieur, ben quelqu'un vous connaissez, une jeune fille, qui pourrait être Miss Poubelle 2011. Aérance rénaldienne, on va me placer sa photo sur mon site officiel. On va lui donner une couronne. On va lui faire une couronne peut-être à partir d'une poubelle. Et ce sera la poubelle du monde. Ah! Il serait là. J'ai rien compris. Mais je pars en voyage vers d'autres paysages où la lune s'endort. Sorry, sorry, baby. Mais je pars en taxi droit vers l'aéroport. Échapper à mon sort. Ne m'appelle pas mon chat, ne m'appelle plus chérie. J'irai peut-être aux États-Unis. Ne m'appelle pas loulou, ne m'appelle plus doudou. J'irai peut-être à Philadelphie. Sorry, sorry. Manger dans des snacks, vivre plus fort, sauter à l'élastique, dans des tenues très chic et rire au nez des flics, perdre le nord. Je rentre pas ce soir, tu vas m'attendre tard, je suis partie pour Dallas, pour dompter des chevaux, tenter le rodéo des grandes plaines du Texas. Toutes les nuits, chercher encore, jouer aux armes à feu, tirer droit dans les yeux d'un vieux cow-boy miteux et dire t'es mort. Je serai recherché, le shérif du comté sera prêt à me faire la peau pour une poignée de dollars. Je prendrai l'autocar clandestine jusqu'à Mexique. Changer d'avis, je ne pars plus. Qu'est-ce que tu fais ce soir? Et si on sortait tard, on fumerait des cigares à nos rêves perdus. Déjà des quelques chansons de Jérémy Fonnet. Alors, la coca, et puis, whisky. Je conduis, whisky. Je conduis pas. C'est un ou deux whisky? Deux. Ah oui. Hey, mais c'est toi qui as commandé. Non, j'ai fait ça à la caméra. C'est monsieur. Pas vrai. Il faut bien voir. Ben oui, mais là... Ça fait trop. Non, mais... C'est grave. Ah oui. Ben non, pas grave, mais... Et alors, mais... Attends un petit peu avant. Est-ce que alors, tu as fait deux par erreur? As-tu fait deux par erreur ou si tu as vraiment signalé deux autres... autre tournée? Non. Il a dit un whisky. OK. Et moi, je lui ai dit non, c'est deux. Et donc, il a remis celui-là. Mais oui, mais pour venir ici, est-ce que tu lui as signalé... Ah, il a cru que j'ai commandé d'autres trucs. OK, mais c'était pas vrai. À l'origine, c'était pas vrai, t'en voulais pas d'autres. Non. OK. Ah non. Il me dit un whisky. Et en fait, je fais ça. C'est nous. Et je fais deux. Ah, c'est... Donc, c'est les filles. Oui, mais j'avais... OK. Non, là, je comprenais pas. J'étais avec toi, j'étais dans ton univers. Je suis multisensible. OK, ben oui, mais là... Non, mais moi, je suis concentré sur Didier. Puis là, je voyais la commande arriver. J'ai même pas fini. Ah, mon Dieu. OK, vas-y. Oh, je suis rénale. Oui. Ma guêpe m'a piqué d'amour. Je suis couverte de toi depuis ton bonjour. Et j'ai eu bon gratter ma peau tous les jours de bas en haut, ça n'y fait rien. Comme la la piqûre ne désenfla pas. Je me suis mise à avoir peur, peur de toi et moi. Mais l'amour est fait ainsi, on a beau désinfecter, ça n'y fait rien. Au secours, à l'aide, SOS, j'ai un insecte logé dans le cœur. Il s'agrippe à mes humeurs, me fait passer du rire aux pleurs, je n'en peux plus. Mayday, help me, sauvez-moi. Je ne suis pas vaccinée contre ça. J'ai essayé les lotions, les pommades et les infusions, ça n'y fait rien. Secours à l'aide, SOS, j'ai un insecte logé dans le cœur. Il s'agrippe à mes humeurs, me fait passer du rire aux pleurs, je n'en peux plus. Mayday, help me, sauvez-moi. Je ne suis pas vaccinée contre ça. J'ai essayé les lotions, les pommades et les infusions, ça n'y fait rien. Une guêpe t'a piqué d'amour. Tu as tout couvert de moi depuis mon bonjour. Et t'as eu beau gratter ta peau tous les jours de bas en, ça n'y fait rien. C'est drôle comme l'amour est contagieux. Finalement ce mal n'est pas si douloureux. Je ne suis plus allergique et plus c'est si bon d'être malade à deux. C'est drôle comme l'amour est contagieux. Finalement ce mal n'est pas si douloureux. Je ne suis plus allergique. Et puis c'est si bon d'être malade à deux. Et puis c'est si bon d'être malade à deux. Et puis c'est si bon d'être malade à deux. Véro, Véro, tu n'as absolument rien contre si je fais jouer l'autre avant. Ah, merci. Je savais. Pour l'amour d'un homme, elle avait quitté l'Ouest en automne. Elle était un peu folle, elle ne craignait ni Dieu, ni personne. Ils se sont vraiment préparés. Tout l'été, ils ont beaucoup voyagé. Elle était là debout, sous le regard flou de son homme. Et dans sa robe rose, elle avait mis des choses qui détonnent. Tout le monde dort. Et pourquoi pas elle? Tout le monde dort. Et pourquoi pas elle? Non, ah, à quoi te sert d'avoir un nom? Pourquoi ce feu se tonnait? Au nom de quoi fais-tu la guerre? Ah. Mais si c'est ça que tu veux, tout le monde fait. Le camion explose, elle a donné sa vie tout à cause. La mort est sur le sable, te sens-tu mutilé dans ton âme? Tout le monde dort, et pourquoi pas toi? Tout le monde dort, et pourquoi pas toi? Fermera les yeux. Ah, ah. 1h09 s'est retracé, en crachant son encre. Un réflexe voilà tout, cesse de te morfondre, ou plutôt, laisse-moi le faire à ta place. Souffrir me donne un genre. J'ai relevé le numéro de série et me suis inscrit au désarroi voisin du tien. Il semble un demi-ton plus clair, mais personne, on me l'a encore assuré, me verra. 1h, c'était presque bon. 1h09 s'est retracé en crachant son encre. Un réflexe, voilà tout. Cesse de te morfondre, ou plutôt, laisse-moi le faire à ta place. Souffrir me donne un genre. J'ai relevé le numéro de série et me suis inscrit au désarroi, voisin du tien. Il semble un demi-ton plus clair, mais personne, on me l'a encore assuré, ne verra la différence. Marie D. Marie, qu'est-ce qui t'amène ici? Alors tu l'aimes toujours? Est-ce que tu l'aimes d'amour? Alors, qu'est-ce qui t'amène ici? Marie, il était seul au monde, et en quelques secondes je l'ai voulu si fort. Mais ma vie, où il y a mal d'homme, je te l'ai pas volé, c'est ton homme et toi. Alors ne te bats pas pour rien. Tu me désirais d'un amour avide. Oh, je l'aime, oh, je l'aime, Marie, je l'aime. que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais ici? Est-ce que tu l'aimes aussi? Est-ce que tu l'aimes aussi? Est-ce que tu l'aimes encore? Est-ce que tu l'aimes encore? Marie, qu'est-ce que tu fais ici? Tu l'aimes? Est-ce que tu l'aimes? Tu l'aimes aussi? Est-ce que tu l'aimes? Tu l'aimes encore? Est-ce que tu l'aimes? Tu l'aimes encore? Marie, on était seul au monde. Quelques secondes. Il faut quelqu'un se comprendre. On s'est voulu si fort. On s'est voulu si fort. Jupon frisé, Marie-Madeleine, ton petit jupon de laine, ta petite jupe carottée, ton petit jupon frisé. À la claire fontaine humaine, en allant promener, j'ai trouvé l'eau si belle que je m'y suis baigné, comme je ne sais pas nager. Tu t'es noyé? Marie, je me suis noyé. Tu vois comment je suis, Marie. Juste après la guerre, j'avais créé à Cannes la boîte à ordures. Avec l'élection de Miss Poubelle. Alors vous voyez que l'ordure, ça me connaît. Ok, j'arrête le coup. Cette semaine, et ça jusqu'à l'épuisement du concept, nous mâcherons, squeezerons, éplucherons, déshabillerons et élèverons à bras. Monsieur, s'il vous plaît, oui. Restez en place, ne oui. Bougez plus. Non, merci. Vous êtes très bien gentil pour moi. Vous êtes très bien gentil, trop bien gentil. C'est pas normal d'être d'une gentillesse aussi absurde. Une gentillesse absurde? Ah, c'est très étourdissant, l'absurdité. Oh, ça, vous avez raison, ça fait à peu près, là, 80 minutes que ma tête tourne et que la Terre tourne. Eh, ça fait plus que 80 minutes que la Terre tourne, là. D'après moi, ça fait que vous avez combien? Excusez-moi, vous avez quel âge? J'ai 92 ans. 92 ans. 92 ans, plus une dent. Plus une dent. Une dent contre vous. Oh, il n'en reste qu'une seule. Oui, elle est contre vous. D'accord. Je vais cacher le... Pas cacher, mais comme j'ai tendance à, bien sûr, avoir des problèmes de salive, donc je postillonne et ça arrive souvent sur les disques et je peux plus les faire jouer par la suite. Quoi qu'il faut que je les lave, puis là, les laver, prendre mon bain avec un disque. Moi, là, Véronique Sanson, il n'y a aucun problème. Prendre ton lait, ouais, prendre mon bain avec Véronique Sanson. Quoi, les disques de Véronique Sanson? Oh, les disques, Véronique Sanson, tout le monde ensemble. Là. Oh, c'est ça, là. T'es un... Oui, merci. Cette semaine, et ce, jusqu'à l'épuisement du concept, nous mangerons, squeezerons, éplucherons, déshabillerons, poursuivrons, élèverons à bras de mots celui-ci pour en observer la moindre couture, fissure, embouchure, angle, afin de l'éclure ou de l'exclure dans le château symbolique de la francophonie. Aujourd'hui, plaçons en garde à vue le mot ou le verbe blanchâtre. Le mot blanchâtre. Claude Blanchard. Ah, oh, ça c'est... il est 3 heures, on ferme... Claude, non, Blanchard. Blanchard, Claude Blanchard. Non, Blanchâtre. Blanchâtre. Blanchâtre. À 1953. J'ai été marié avec Blanchard Boudreau. Ah bon. Blanchard, là, c'était une femme très accueillante. Oh, maman. Quand elle avait préparé de la nourriture pour 10, 50 hommes pouvaient arriver, puis on les nourrissait, il n'y avait aucun problème. Elle avait un peu de difficulté avec ses proportions. Elle-même était très bien proportionnée. Mais pour ce qui est de ses mets, ça purjutait. Elle fait pas. Elle voulait pas. Je crois que c'était un manque de son côté. Un manque de psychologiquement, là, si on étudie son cas, parce qu'on va le faire, on nous a dit d'effectuer tout son profil mental. Elle souffrait, notre Blanchard, elle souffrait de quelque chose de très, très, très courant, c'est-à-dire le manque. Le manque de tout, le manque d'amour, le manque de nourriture, le manque d'amis autour d'elle, le manque de personnes qui s'occupent d'en savoir davantage sur elle. Est-ce qu'elle va bien? Donc, elle était passablement troublée. Un traiticologue. Plus petit que ça, là. Moi, j'ai étudié la psychologie dans des grands livres de psychologie qui disaient comment sauver sa vie en 3 tombes, comment ressusciter en 2 tombes, puis comment faire sa tombe en 1 tombe. Oh, combien faire sa tombe? Oui, c'est très facile. Faire sa tombe, là, moi, je te conseille très fortement de couper un arbre. Je choisirais un chêne, moi, là. Un beau gros chêne. On nommera pas son nom, mais le plus gros chêne à Québec, il est sur les plaines d'Abraham. Il est sur les plaines. Tout ça a commencé sur les plaines d'Abraham. La chicane à poignée, t'as mangé, t'as volé. Hey, depuis ce temps-là, là, tu veux plus beaucoup travailler, même pas scier, mais si tu scies ce chêne-là, je te conseille fortement parce que t'aurais une place, même deux, pour finir tes jours. Hey, dans un beau chêne qui a contribuer à la colonie du Québec, à la francophonie. On a été mangés, nous autres, là, par les Français. On a été mangés par les Anglais. On a été mangés par les Français, par les Anglais. On a été bouffés par n'importe qui, là. Puis on s'est laissé avoir, là. De là, notre profil de colonisé. Puis là, Mme Blanchard, là, elle était insécure. Toute sa vie, elle a été insécure. C'est pour ça que, dans les années 50, hein, lorsqu'elle préparait de la bouffe dans des chaudrons, elle n'en avait pas un, mais 12, parce qu'elle se disait « Si j'ai les visites! » Blanchard, t'auras pas de visite, là. Voyons donc, ma belle vieille, on est ensemble, tous les deux, là. « Ah non, si les enfants arrivent! » Ben, c'est vrai, dans ce temps-là, c'était pas 2 enfants, c'était 53 enfants! Hey, la madame avait des jumeaux, des triplettes, des criblettes, des ciblettes, des boulettes, des petites boulettes. Elle mettait ça dans son bouilli. Plus elle avait de boulettes, plus elle plaçait ça dans son bouilli. Puis là, ses boulettes avaient des noms, hein. Pas la ciboulette, mais ses boulettes à elle. Ouais, mais il y avait pas de la ciboulette. Il y avait de la ciboulette, mais ça, c'était pas dans ses boulettes, là. Mais non! Elle pétrissait le steak à chier, hein. Généreusement, elle mettait un petit peu de farine. Puis, dans de la farine, de steak haché. Et puis après ça, elle plaçait ça dans sa sauce brune. Elle faisait revenir avant avec un petit peu de beurre. Je vous conseille le beurre salé, parce que le beurre salé, c'est du bon beurre. Le beurre non salé, ça n'a pas de goût. C'est bien quand la viande là, imbibe, boit le sel. Puis là, ça boit le sel. Oh, ça boit du sel, ça cherche du sel. Puis là, plus ça veut saler, plus on aime ça le poivré, là, hein? Poivrer sa boulette. Ah, oh, toute ma vie, j'ai poivré ma boulette. Ah, oh, j'arrête pas encore, là. Je la poivre, la boulette. La belle grosse boulette, on la poivre, là. Du gros poivre. Hey, les grains de poivre, c'est tellement gros, là, que c'est comme des flocons de neige. Mais pas blanc, là, mais noir. Des flocons de neige noir. Mais c'est pas de la neige, c'est du poivre. Oh, mon doux. Il fait du poivre à soir. Ça tombe, mon goût, de la poivrière, là, comme si c'était des pellicules venues de Mme Blanchard. Oh! Mais elle n'avait pas de pellicule, Mme Blanchard. C'était propre, sa femme-là. Ah, oh, c'était propre. Ça se lavait le matin. Le milieu du matin. L'après-midi, le milieu de l'après-midi, le soir, le milieu du soir, la nuit, le milieu de la nuit. Ça se lavait tout le temps, ça dormait pas. Ça dormait dans le bain. Là. Claude Meunier, Serge Thériault, la petite vie, là, ça dort debout hein, dans un lit. Mais elle, dormait dans un bain. Comme Jim Morrison, elle est morte dans un bain. Hein, Blanchante. C'est pour ça qu'elle était blanche, blanche, blanche. Elle portait bien son nom, Blanchante. Blanche, blanche, blanche. Elle mettait de l'eau de javel. Blanc, blanc, blanc. Elle était blanche, blanche, blanche. Et la peau, là, était toute pisse, pisse, pisse, blanc, blanc, blanc. Elle est plus blanc que blanc, là. C'était pur, cette femme-là, là. Ça disait bonjour, puis c'était l'ange descendu de l'eau de javel. Elle écoutait toujours le boléro d'eau de javel, elle, là. Ta-la-la, ta-la-la-la-la-la-la-la-la. Ah, c'était beau. C'était c'est juste bon, après hein? La guerre. La guerre. C'est pas la guerre, ma Blanchard, c'était la paix. La paix, puis elle en faisait pas de paix. Quand elle en faisait, elle serrait les fesses. Oui, les fesses, elle serrait, puis elle devenait rouge un peu. Puis après ça, elle redevenait blanche. Puis elle se resserrait les fesses, elle redevenait rouge. Puis après ça, elle redevenait blanche. Ah, oh, Blanchard. Donc, évidemment. Blanchard. C'était juste après la guerre. Lâche-moi la guerre, toi. Elle faisait pas la guerre, elle. Non, les petits paix. Elle se refrignait les fesses, elle devenait rouge. Après ça, elle redevenait blanche. Donc, évidemment. C'était juste après la guerre. Oui, c'est ça. Et on avait défilé sur la Croisette et il y avait un concours d'élégance oui. Avec une vieille voiture, ah. Des chiens galeux et on traînait des boîtes de conserve qui faisaient du bruit. Et c'était juste après la guerre. Et c'était là de la les premières provocations et les dernières pour moi. Mais monsieur a été, je crois, endormi par la guerre, parce qu'il dit la guerre souvent. Hein. Mme Blanchard, elle ne disait jamais la guerre, elle. Elle disait la paix, juste la paix, je veux la paix, laissez-moi la paix. Puis dans le château symbolique de la francophonie, nous plaçons aujourd'hui dans ce royaume... Madame Blanchard. Bravo, Madame Blanchard. Breaking your neck and you still up in debt. Walking round town all strapped in. Niggas be having more bad times than Captain Rapid. Two strikes, none left out of breath. Living in the city, it's a jungle, yeah. All this deception on top of stress. You're having more problems than the algebra test. You can't seem to come up. Your money for rent, and now your baby mama tripping, she want 50%, it's a thin line, between yours and mine, the difference is you gotta scratch to get a nickel and dime, now I know a place where you might wanna be, and I can take you there, pop goes the nine, leave all that behind, you can slide off your shoes, sit back and recline, hear ye, come on, come on. I'm riding with you, baby. All your homies think you're funny, doing stick-ups for monies, just to impress the honeys. Run your life, so you keep them in the sack. You got two strikes, but you're right back up to back. You're all about your money, you got something to sell. But if you fail, boy, Bobby, you'll be back in the jail cell. You're chilling with your feet up, somewhere hanging with baby without the homies. And that's when you got beat up, because you can't be out there to... One, come on. I'm riding with you, baby. Let me holler at the little homeboy real quick. You know what I'm saying? Cause he traveling in the fast lane. Pump your brakes. This ass. Everything is free and ain't no HIV. And niggas don't kill one another. Oh, really? Why is that? Because a brother is a brother. And what about the mother? They queens, righteous, man, heaven. Must be like this. Green bug growing like the grass in the summertime. Ain't no penitentiary, so ain't nobody doing time. And oh, yeah, I'm the big old care. I'm smarter than the senator, bigger than the mayor. Heaven on earth, it's like a prayer. And you can't get in without your gold card. You got to be a player. Now you know a place where you got to be. And I took you there. Pop goes the nine, leave all that behind. You can't slide off your shoes, sit back and recline. Hear ye, come on, come on. come one, come all. I'm riding with you, baby. One, come on. I'm riding with you, baby. Come on, come on. J'ai créé une connerie avec une monstrueuse qui s'appelle, comme tous les gamins de 16 ans, tu sais, boutonneux. Je te cherche. Oh. C'était pour trouver l'âme sœur. Oh. Je te cherche depuis ce temps, je te cherche. Bref. Ok. J'ai jamais trouvé, hein. D'abord, je crois que d'abord qu'elle ne m'a jamais cherché. Oh, oui, c'est ça. Et puis, et je l'ai envoyé à Orlando, le frère de Dalida. Ah oui, je connais. Tu l'as, tu sais, genre. Oui, c'est un sympa, c'est un être assez beau. Et il m'écrit. Un jour, je lui ai dit, est-ce que tu peux me le dire ? Ce que tu m'as écrit, parce que je lui ai rappelé quelques années plus tard, 20 ans après. Je lui ai dit, chérie, j'ai dû te dire, surtout ne chante jamais. Oui, tu me dis ça. Avec une. Surtout ne chante jamais. Oui, à la Gainsbourg. Alors, dans Gainsbourg, on faisait ça. Ok, oui. Orlando, c'est. Ok, bien, oui. Surtout, stop, chante pas. Donc, j'ai décidé de ne pas chanter. Donc, je vais servir la musique sans la desservir. Voilà. C'était à 16 ans. À 18 ans, j'ai créé un premier spectacle. À 18 ans, j'ai créé un spectacle en patois vendéen, qui est de ma région, que j'ai présenté. Vendéen de la... Vendéen de France. De la Vendée. De la Vendée du... Non, pas du littoral. Okay. Des terres. Okay. Et donc, j'ai présenté ce spectacle, tout ça. Puis après, je suis rentré à la radio. Non, tout s'est présenté normalement. En 90, je quitte Alouette. En 91, on me présente Pascal Sevran, que je rêvais de connaître. Et 15 jours après l'avoir rencontré, il m'appelle un dimanche, 24 septembre. Non, je rencontre en septembre 91, pardon. Et un dimanche 24 février 92. Alors, mon garçon, c'est Pascal Sevran. Tu veux toujours travailler avec moi ? Parce que je lui avais dit que je voulais travailler. Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que t'attends de moi, Dominique ? Et moi, je voudrais travailler avec vous. C'était dans les studios de Radio Monte Carlo. Ah oui, oui. Quelqu'un nous avait fait l'entremetteur, tu veux, pour qu'on se rencontre. Et alors, rendez-vous demain à Paris, au but de Chaumont. 187.4 FM on the dial. Reminding you to get the dick out your throat and go vote. DJ E. Z-Dick still popping like a pipe bomb. And oh yeah, can you say farewell to welfare? Caller number 4 gets to go to Doggy Land, that's right. This next jam is dedicated to all the homies still rocking Jerry Curls, Optimum Texturizers, and Gold Tifus. DJ Easy Dick will give you a stone cold groove. Let's all go to Doggy Land, huh? C'était, il y avait pour moi, justement. Donc, l'ordure et la provocation n'est pas étranger. La provocation est pas drôle. L'errance rénaldienne, là, c'est pas étranger non plus. Hein. Complice de vos délires auditifs, là. Mais c'est visuel. Les yeux, la radio. Comment ça, la radio, les yeux? Ben oui, la radio, les yeux, errance rénaldienne. 89.1, la radio. Mais sur Internet, vous pouvez me voir. Ah, oh, manque à l'horreur. Oui, c'est une horreur. Une horreur. Vulgarité. T'encule, je te prends, je te retourne contre le mur, je te baisse par tous les trous, je te défonce, je te mets... Allô? Allô? Allô? Allô? Vous êtes à Errance Rénaldienne. Attention ici, c'est la cohue. Attention ici, voyons. Aujourd'hui, l'aventure continue. Voilà. Et l'amour de la musique. Ah! Et là depuis toujours. Mais tes parents diffusaient quelle sorte de musique? Faisaient jouer quelle sorte de musique? On écoutait avec chez moi Georgette Plana, les chansons un peu coquines de Colette Renard. Ah oui, Colette Renard. Voilà, oui. C'était ça. J'ai pas été baigné dans un univers de grande culture musicale, théâtrale, lyrique. Alors c'est toi qui. Populaire, hein. Moi, c'est l'accordéon, c'est le tango argentin, c'est Georgette Plana et Riquita, tu vois, et c'est. Ouais. Mais c'est des gens que l'on n'entend plus. C'est cela que je veux faire. Même à la radio. Mais il n'y a qu'à faire, ils existent, les bandes existent, les CD existent, les rééditions sont là. Il y a des gens extraordinaires. Oh, oui. Georgette Plana, c'est un. Un chat, je t'en raconterai 10 000 sur elle. Georgette Lemaire aussi, beaucoup plus propre, beaucoup plus récente. Qui est la récolte de Mireille Mathieu, mais. Qui est là? Georgette Lemaire. Ouais, tu es qui de Mireille Mathieu? Qui était la rivale directe de Mireille Mathieu les années 60. Ok. Vous étiez belle, madame. Une voix magnifique. Qui vit toujours? Ah oui, bien sûr. C'est ça, mais pourquoi il vient sortir un album magnifique. Ah, parce qu'aujourd'hui, il faut montrer son string, former des pétards, et rouler des filles, des pelles aux filles. Enfin, aux personnes du même sexe. Sinon, on est une race vile. Mais lorsqu'une artiste... En France, en tout cas. Mais lorsqu'une artiste comme ça... refait un autre album, est-ce que c'est à titre d'auteur, est-ce que c'est elle qui prend ses sous, qui prend son argent et qui l'investit dans son album, ou si c'est encore des gens, des mécènes qui croient à la musique et... c'est les deux en général, ça dépend. Une fille comme Georgette Lemaire, elle n'a jamais eu un sou de sa vie. Elle a quel âge? Georgette approximativement, allez, mais un peu moins, hein, c'est le 12 écoute. Je ne compte pas les matinées ni les strapontins. Non. Alors, 70 ans. Ok. On coupera si tu veux. Tu m'enverras le... En gros. Oui, c'est ça, ok. Tu iras voir sur Wikipédia, mais je ne vais pas être... Oui. Alors, donc, Georgette, oui... C'est ces gens-là. Aujourd'hui, elle sort un album magnifique. Non, qu'elle ne peut pas se permettre de produire, que quelqu'un lui produit. Donc, c'est généralement un amoureux, fin, producteur et argenté qui lui fait un disque. Les petites minettes, aujourd'hui, arrivent parfois à imposer leurs propres chansons. Mais elles sont ridicules de vouloir imposer leur titre. Vous êtes assez KRL. Le 89.1 à Québec, et vous écoutez Errance Rénaldienne jusqu'à 2h du matin. Le matin, le matin se lève, moi je ne peux pas. c'est des méchants. Ils s'en viennent. Ils nous aiment pas. Voyons-là, t'es là, malade. Un peu. Le moment s'invite à nous. C'est peut-être la dernière improvisation. Je sais pas. On va analyser tout ça. Mais ça risque de sentir la dernière. Ça sent. Oh, ça sent. Le moment s'invite à nous. Ça dépend de l'intention et surtout de la durée de ce qui va suivre. Alors, fais-le suivre. Nous allons le faire le suivre. Ah, oui. Fais-le suivre, mon Jean-Luc. Oui, il est radicalement de près devant le grand... Monsieur, s'il vous plaît, restez en place. Ne bougez plus. Oui, d'accord. Nous allons le faire. Comment vous appelez-vous? Allô? Madame, est-ce que je peux me nommer? Je suis sans gêne et sans culture. Comment vous appelez-vous? Rénal Gagné. Mon numéro de ma date de naissance, 2 juin 1987. Hé, voyons donc, toi là, je pense que t'es en train de m'en dire à madame. Comment vous appelez-vous? Madame Rénal Gagné. Je ne mens pas, je suis, on le sait que t'es. Le moment s'invite à nous pour un élan rénaldien, une consonance de l'esprit nous amènera, nous dirigera vers des sillons créatifs. Allons planer. Avec Georgette Plana, vers les couloirs de l'improvisation. C'est bon, ça, de la brancher. Ben, on va la brancher, la belle Georgette. Georgette, ça plante pour toi. Georgette, ça plante pour toi. Toi, ça plante pour toi. Ouh! Allons planer sur les couloirs de l'improvisation avec Sophie Lariane. Le flic. Mets de l'écho. Le flic de cet écho-là. Non, cet écho-là. Là. Ouais. Le flic relique la proie. Et tire sur l'innocence de cette nuit d'été. Répète, ça va t'allumer. Okay. Mets le feu, Jean-Marc. Le flic relique sa proie et tire sur l'innocence de cette nuit d'été. D'estase? C'est d'estase. C'est l'estase. Merci. C'est pas l'isverse, c'est l'estase. Yellowstones. Il y a l'ostase, prétense, zestase, zostons, zisvers. Oh! Rins, rins, rins, rins. Oh! L'été! Tout le monde sait que les gens sont à l'extérieur parce qu'ils ont chaud! L'hiver! Tout le monde sait qu'ils sont à l'intérieur parce qu'il fait froid! L'automne, tout le monde sait! Que les gens sont en dessous des feuilles parce que les arbres se déchaînent. Et le printemps, tout le monde sait que les gars sont sous les jupes des filles. Tout le monde sait ça. C'est pas des cadeaux, c'est pas des surprises, c'est pas des révélations, là. C'est pas Nostalalamis, c'est pas Nostalabalas, c'est pas un trépas vers l'au-delà. C'est tout simplement la vérité que je vous dévoile ici maintenant en direct. Enfin, presque en direct. Enfin. Presque. Ah. Et là. OK. Mais on ose vous dire ici maintenant que l'été, quand il est parsemé de beauté, ben on est bien gambadé. Oh, le pervers. On est bien sauté. Oh, de fleurs en fleurs, de bourgeons en bourgeons, d'abeilles en abeilles. Et d'aventure en aventure, de trains en trains, de ports en ports, encore je te le jure, j'ai plus oublié ton corse. Eh oui, de corse en corse. Imaginez-vous en Corse. Ça se corse en Corse, là. Eh, ils veulent plus juste avoir du beau temps. Eux, c'est les quatre murs de beau temps. Jour, nuit, soir, matin. C'est comme dans le nord du nord. Il fait tout le temps jour pendant 18 ans. Il fait nuit pendant un an et demi. Fait moins 40 pendant 56 ans. Ces gens-là meurent pas, ça gèle pendant 250 ans, ça se dégèle à l'été, puis ça se regèle après, puis ça se dégèle, puis... Sa vie, une vitam peppermint, ça, là. Tu l'as dit tantôt, ouais, j'ai dit ça, j'aime ça. Une vitam peppermint, c'est ma blague à moi, là. Ma blague à moi, elle cherche des aventures. Ben oui, puis là, peppermint... Et tout le temps là à surveiller, hein, sa mâchoire. Une petite dernière peppermint pour la route. Là, ça suce le peppermint, ça suce. L'été, ça suce. L'automne, ça suce. L'hiver, ça suce de la glace. Non, c'est l'été que ça suce de la glace. Fait tellement chaud, hein, ça suce, ça dégouline. Ça rentre dans le corsage. Ah, oh, ça fait des photos. Oh, ça va sur Facebook. Ah, oh, quelle horreur. L'horreur n'a jamais arrêté. près du soleil enchanté, lui qui ricane parce qu'il voit tout, lui qui observe parce qu'il sait tout. Hey, ce qu'on va entendre, là, c'est le docteur. Pas le docteur Dolittle. Attends. Pas le docteur Dolittle, docteur House, qui fait de la musique. Les deux dernières pièces. C'est très sérieux, là. Et c'est vrai. C'est pas une blague. Ben voyons, on te croit pas. Ben oui. C'est Dr. House. Dr. House. Dr. House. Tu t'appelles? Dr. House, OK. C'est un malade. Il a pris 3-4 pilules, là, puis il fait du blues jazz, jazz blues. Comment ça? C'est bon, hein? Avec sa canne. Il souffle dans sa canne. Oh! Sa canne de Noël. Joyeux Noël. Et bonne année. Voyons donc. Nous sommes le 8 juillet. Rénal arrive le 9. Bravo à lui! Il fera son... Attends. Il fera son émission en direct la semaine prochaine. En direct de CKRL. Vous pourrez l'appeler, il ne répondra pas. Hey, c'est son premier direct hein, depuis bien longtemps. Il risque d'être sur le gros nerf, lui. Oh, mon Dieu. Ah ouais, Dr. Who. Dr. Who. Hey, c'est de parler et laisse la chanson s'exhiber. Cesse de parler et laisse la chanson s'exhiber. Now listen, honey, while I sing. How could you tell me that you gone away? And don't you say that we must part. Why you won't break my aching heart? You know I loved you true for many years. Loved you night and day. Left me crying after you gone, and no denying you feel blue, you gon' feel sad. You'll miss the best love that you ever had, and there'll come a time, don't you forget it, there'll come a time. When you regret it, someday, when you grow lonely, your heart'll break like mine, you gon' want me only, after you gone. Change your mind. After the years we've been together, through joy and tears, all kind of weather. Someday, blue and downhearted, you wanna be with me right back where you started. After you're gone, after you've gone away. Chanteur, c'est un métier. On peut chanter, très bien. On n'est pas forcément aussi bon auteur ou bon compositeur. Non, mais on peut être auteur, chanteur, compositeur, interprète, Brel, Brassens, Barbara. Oui, là, tu en cites quelques-uns. On peut citer aussi Vigneault, Leclerc. Non, et bon, oui. Puis même quelqu'un que tu connais pas beaucoup, Jean Lapointe. Et Jean Lapointe, tu veux rire, okay. Jean Lapointe. Oh là là, quel homme exceptionnel, Jean Lapointe. Oh là là. Je le rencontre assez régulièrement. Jean Lapointe, je suis fou, c'est un amoureux, c'est un copain fou de Raymond DeVos. Ben oui. Et c'est un de mes amis. Si ton nez, il avait bien une prends ton temps, attends. Tu vas me trouver des chansons. Tu vas lire ce bleu, c'est joli. Tu swings avec ma vie. Oh là là. Tu as la peau douce et tu fais mon malheur. Là-haut avec mon cœur. Oui. Tu joues avec ma vie. Et voilà, c'est ça. Mais Guy Bedos chantait ça à l'Olympia. En jonglant. Je l'ai vu. Ah oui, c'était merveilleux. Moi, j'étais là aussi. Mais pas à l'Olympia, j'étais à Québec au Grand Théâtre de Ville. Et Jean Lapointe est venu chanter ses chansons. On l'a reçu sur le plateau, au but de Chaumont. Non. Jean Lapointe. Jean, tu verras, je t'enverrai des programmations. Ok. Moi, ma vie est trop belle, j'ai rencontré trop de beaux mondes pour en inventer. Mais c'est déjà malheureusement que l'on n'entend plus qu'ils se sont tués par. Qu'on a tué. Oui, qu'on a tué. Qu'on a tué médiatiquement. Puis aussi. On peut les entendre, ces gens-là sont entendus. C'est pas parce qu'ils parlent pas sur des fausses médias qu'ils n'existent pas. Là, dans le bistrot où on est, il y a peut-être des gens qui chantent ce soir, qui vont faire 50, 60 euros, 80, 150 les soirs de réveillon. Bon, mais ça tous les soirs, ça le fait. Ils peuvent faire 3-4 endroits par soir. Donc tu sais, il y a beaucoup de gens ici, qu'on a réussi grâce à l'émission de notre, notamment. À commencer à vivre de ce métier. On n'est pas forcément starifié. Bon, les stars, elles sont mortes. Hein. Et pour moi, on s'incline. Hein. C'est Garbo, Marilyn, okay. The Voice, Michael. Bon, en tout cas, c'est parce qu'on peut tout aimer. Moi, j'aime de Georgette Plana, même plus de Lucienne de Lille, de Bert Silva à Michael Jackson. Mm-hmm. Pour moi, on est déjà à tout. Dans le mythe, mais tout est aimé quoi. Mon panel est vachement large. Oh, oui, oui. Si le moment est bon, comme vous chantez, Barbara, si la photo est bonne, oui. Si l'instant est bon, peu importe la chanson. Just remember me, darling, when I'm in 6 feet of cold, cold ground. Just remember me, darling, when I'm in 6 feet of cold, cold ground. Always think of me, darling. Say, yeah, there's another good man gone down. Don't cry, baby. Baby, after I'm gone. Don't cry, baby. Don't cry after I'm. love you, and I ain't done nothing wrong. Six cold feet of ground. Just lay my body and six cold feet of ground. Well, I will be the loser when that deal. Six feet of cold, cold ground. Remember me, baby, when I'm in 6 feet of cold, cold ground. Always think of me, baby. Say yeah. Another good man gone down. Love me tender, love me through, love me from... C'est très simple, si vous voulez m'écrire avant la fin, là, parce que ça sent. Raynal Québec, RAYNALDQUEBEC, à commercial hotmail.com. Si vous voulez devenir mon ami Facebook, c'est très simple. Raynal Gagné. Raynal, RAYNALD, Gagné, GAGN, accent aigu. Ami Facebook, courriel hotmail. Merci. À la prochaine. René, c'est à toi. Mes chers amis, Si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois.